d'années, de milliers d'années, Satan a corrompu l'homme, forgé tant de mal, des générations, une à une dupées par lui. Oh, combien de crimes horribles a commis Satan dans ce monde. Pousser l'homme à combattre Dieu, abuser, tromper l'homme, chercher à détruire de Dieu le plan de gestion. Satan marche parmi la création de Dieu. Il ne peut même légèrement changer les gens ou choses. Même si Satan marche parmi la création de Dieu, il ne peut rien changer, rien ne change. Dieu.